Maintenant qu'on a vu le présent, l'impératif et le subjonctif, ainsi que la position des pronoms, maintenant qu'on a vu tout ça, je voudrais qu'on revienne au futur. Au futur, on a deux sons, deux terminaisons de base, et ce, quel que soit le verbe. La terminaison « re » pour le « je », à partir de laquelle on obtient « remos » pour le « nous », et la terminaison « ra » pour « il »,« elle » et « usted », à partir de laquelle on obtient « ras » pour « tu » et « ran » pour « il » ou « elle » au pluriel et « ustedes ». Alors qu'au présent, on accentuait l'avant-dernière syllabe, au futur, c'est sur la dernière syllabe qu'on insiste à l'oral, c'est-à-dire sur la terminaison. Re, ra, etc. Sauf pour la forme avec nous, qu'on accentue sur l'avant-dernière syllabe, sur le re de remos. Alors, comment dit-on « je l'achèterai » ? Lo compraré. Bien. Lo compraré. Donc, on part de l'infinitif comprar et on ajoute un e. Et c'est comme si on frappait la terminaison. Donc, on insiste sur re. Compraré. Lo compraré. Je l'achèterai. Et nous l'achèterons. Lo compraremos. Lo compraremos. Donc, si vous entendez re à la fin d'un verbe, vous savez que c'est la forme du « je » au futur. Et de la même manière que « remos » correspond au « nous » au futur. « Il ou elle l'achètera » se dira « Lo comprará ».« Lo comprará ».